Chapitre deuxième. Oui, et Fouinard. L'apostrophe, pour être opportune, n'était pas absolument justifiée. Car enfin, Fouinard n'était qu'un homme de bonne volonté, ayant rendu de réels services à la population parisienne, surtout lorsqu'il avait dissipé l'horrible cauchemar d'empoisonnement qui pesait sur la ville. Mais après tout, il n'était pas enrégimenté. Il ne faisait partie ni de la Sûreté Générale ni de la Préfecture. En vérité, si l'on prétendait qu'il se substituât tout seul à une administration organisée spécialement pour protéger la sécurité des citoyens, qu'on lui donnât 1000 têtes, 1000 mains, 1000 cerveaux. Évidemment, on avait récompensé magnifiquement sa dernière campagne, mais si on prétendait s'en prévaloir pour le forcer à marcher au doigt et à l'œil, il aimerait mieux 100 fois rendre l'argent. Ah, mais oui. Je vous en prie, monsieur Fouinard, ne vous fâchez pas, lui disait un reporter du Nobeliste qui était venu l'interviewer à l'heure même où était lancée l'apostrophe à laquelle tout Paris faisait chorus. Comprenez bien que ce cri, sorti du cœur même de la population, est un magnifique témoignage de la confiance que les Parisiens ont en vous. Les Parisiens m'embêtent. C'est votre droit de penser ainsi, mais c'est leur droit à eux d'être convaincus que si vous voulez vous en mêler, l'irritant mystère du quai Bourdon serait bien vite expliqué. Qu'on s'adresse au ministère de l'Intérieur. Songez donc bien, monsieur Fouinard. Je songe que je m'occupe en ce moment d'une affaire qui me passionne. Tenez, écoutez cela. Il y a en ce moment au bagne, vous entendez bien, au bagne, un homme qui souffre le martyre depuis 7 années et qui est innocent. Une affaire Dreyfus. Eh oui, à peu près. Sauf que le crime pour lequel cet innocent a été condamné est du droit commun le plus banal, le plus terre-à-terre. Je me suis juré à moi-même de le tirer de là, et ça n'est pas facile. Je vous en fiche mon billet. Je passe mon temps à étudier l'affaire, à en sonder le fond et le tréfond, et je vous avoue que je n'ai pas la tête à autre chose. Votre martyr sait-il que vous vous occupez de lui? Vous ne voudriez pas, dit Fouinard, ajouter les angoisses d'une espérance peut-être irréalisable à celle qu'il subit déjà. Ah non, par exemple, Fouinard n'est pas si bête que ça. Mais alors, il peut attendre quelque temps encore. Cher monsieur, vous pouvez être un excellent reporter, mais vous n'êtes pas un homme généreux. Il faut souffrir la souffrance des autres. Il me semble que c'est moi qui pantelle sous la chaîne de ce forçat. Si encore c'était un résigné. Mais je sais que c'est le pire prisonnier qui se puisse imaginer, protestant toujours depuis 7 ans, se rebellant contre les disciplines, insoumis devant les châtiments les plus durs, affrontant la prison, la bastonnade, la cellule, et quelques autres tortures ignorées, songez-y bien, pour toujours et quand même, criait son innocence, à laquelle personne ne croit, et qu'on veut le forcer à renier. Et je ne me dévouerai pas à cet homme-là, à celui-là qui était un pauvre, un vagabond, un loqueteux, et dont personne ne voudrait s'occuper. Ah, mon petit, vous ne m'avez pas regardé. Zut, pour le boulevard Bourdon, ces pauvres gens sont morts et ne réclament rien. J'ai mieux à faire en arrachant un vivant à la pire des tortures, voilà. Mais l'enfant n'est pas mort. L'enfant, fit Fouinard en tressaillant légèrement. N'avez-vous pas eu connaissance de l'attentat qui était dirigé contre ce pauvre petit être, innocent lui aussi, à l'hôpital des enfants malades? La physionomie de Fouinard avait subitement changé. Dites-moi votre idée, développez-la franchement, fit-il. Samuel Fix, le reporter principal du Nobeliste, était un petit juif un peu trop rose, trop replet, au nez trop proéminent, aux cheveux trop luisants, mais dont le visage pétillait d'intelligence. Il avait parcouru déjà toute la terre, à 30 ans, se mêlant aux plus dangereuses explorations africaines et aux sports les plus invraisemblables des globe-trotters. Correspondant de guerre ou missionnaire diplomatique, il avait donné des preuves d'endurance, de courage, de finesse, qu'il avait portées au premier rang. Avec cela, point vaniteux et bon garçon. Mais il le reconnaissait lui-même, pas détective pour un sou. Je sais voir les événements, je vais chercher les pires étrangetés visibles, je me jetterai dans les entrailles de la terre pour découvrir le feu central, mais, disait-il, je suis ainsi fait qu'il me faut un but précis, positif, je n'ai pas d'imagination. Fouinard le connaissait bien, et l'estimait pour sa ténacité et son énergie. Mais à vrai dire, en lui demandant de faire œuvre d'intuition, il savait d'avance que Samuel Fix allait s'égarer. Celui-ci s'expliqua d'ailleurs en toute franchise. « Ce n'est pas ma partie, dit-il, à chacun sa spécialité. Mais puisque vous m'interrogez, je vais vous répondre. Il me semble que l'assassin du boulevard Bourdon a voulu faire disparaître d'un seul coup toute une famille. Il a tué le père, la mère, il a raté l'enfant, sans le faire exprès. Et j'ai dans l'idée que c'est lui qui est venu à l'hôpital des enfants malades pour achever l'enfant, s'il avait pu. Mais quel intérêt peut-il avoir à tuer toute une famille ? Je ne suis pas romancier, vous dis-je, et j'admire profondément ceux qui peuvent inventer des intrigues compliquées, bâties sur rien du tout. Il faut, pour que je marche, que je sente sous mes pieds un terrain solide. Mais enfin, puisque vous rattachez l'incident de l'hôpital à l'assassinat du père et de la mère, vous faites à ce sujet une supposition quelconque. Eh bien, prenons la plus banale, la plus bête, si vous voulez. Imaginons un héritage qui, ignoré jusqu'ici, doit échoir à ce malheureux prouveau ou à ses enfants et qui, lui disparu, revienne à un tiers. Est-ce que ce tiers n'aurait pas eu un intérêt à ce crime ? Et le ratage de l'enfant en détruisant toute sa combinaison, pourquoi ne chercherait-il pas à compléter son œuvre infernale en surprenant ce pauvre petit et en l'assassinant ? Mais c'est très bien, très bien, dit Fouinard en riant. Richebourg ou Féval n'auraient pas trouvé mieux. Il est fâcheux que cela ne tienne pas debout. Ah, vous voyez bien, le jour où l'héritage arriverait, celui qui se présenterait pour le recueillir, à défaut des époux Prouvot et de leur fils, se désignerait par cela même à l'attention et on lui demanderait des explications qui, vraisemblablement, le gêneraient beaucoup. Vous avez raison, quand je vous disais que je ne suis qu'un imbécile. Taisez-vous. Vous n'en croyez pas un mot. Mais causons sérieusement. Si j'hésite beaucoup à m'occuper de l'affaire en question, c'est pour nombre de raisons. La première est celle-ci. J'ai déjà fait trop le malin avec les gens de la préfecture en fourrant le nez dans leurs affaires. Et le préfet lui-même, qui m'a toujours été si bienveillant, pourrait à la fin se formaliser que je me mêle continuellement de ce qui ne me regarde pas. Voilà qui va lever ce premier scrupule, dit le reporter en souriant et en tirant de son portefeuille une carte de visite. Vous connaissez cette écriture ? C'était la carte de M. Larose, le préfet de police, et au-dessous, ces trois mots, écrits de sa main et signés de ses initiales. Eh bien, et Fouinard ? Ça, c'est amusant, proclama Toto. Vous n'êtes rien, Mariol ? C'est vous qui lui avez fait écrire cela ? Justement, j'avais prédit votre objection, et comme disent les stratégistes, j'avais assuré mes derrières. J'espère lever de même vos autres scrupules. Votre forçat. Voulez-vous que je demande sa grâce au président de la République ? Merci, dit Fouinard en riant. Il n'en voudrait pas. Il est entêté comme une mule. Ah, c'est un drôle de corps. Allez. Mais enfin, calculons. Il s'agit de découvrir et de faire arrêter le charcutier du boulevard Bourdon. Voyons. J'ai compté avec un travail assez difficile. Combien de temps cela prendra-t-il ? 2, 3, 4 jours ? Bon. Et puis le temps de piger l'homme ? Ça fera bien en tout une semaine. Je puis disposer de ce temps-là. Quoi ? Vous croyez qu'en 8 jours, vous aurez bâclé cela ? Je parie que vous avez déjà tout un plan. Vous êtes admirable. Si je puis vous aider, vous le pouvez. Je suis à votre disposition. Que faire ? Allez me chercher et apportez-moi le perroquet. Interdit, le reporter ne fit cependant aucune objection, mais à part soi, il murmura. « Que diable veut-il faire de ce stupide animal ?